comme une évidence. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir derrière moi au téléphone Ophélie Morival. On écoute justement le petit morceau M et Donne. C'est un extrait donc des chansons qu'elle chante. Ophélie Morival, bonjour. Bonjour Sébastien. Bienvenue avec nous. Donc Ophélie, c'est le nom d'artiste Ophélie Morival ou c'est juste Ophélie le nom d'artiste? Non, c'est Ophélie Morival. Ophélie Morival, oui. D'accord. Oui, c'est mon vrai nom. C'est le vrai nom. Alors Ophélie, eh bien, donc chanteuse, en plus ça fait plaisir, tu nous viens de la Normandie, donc ça me fait un grand plaisir. Tu es originaire de Deauville. Oui, je suis originaire de Normandie. Oui, je suis née à Deauville, oui. Mais je ne vis pas en Normandie, je vis en Vendée. D'accord. Oh, bah, ça, c'est un petit changement de cap. Hein. Changement de cap, après Deauville, les Sables d'Olonne, quoi. Voilà, exactement. Alors, donc, tu as commencé toute petite dans la chanson. Dis-nous un petit peu plus, ça fait longtemps. En tant que chanteuse, non. Oui. Pas toute petite. Par contre, la musique, oui, dès toute petite. J'étais plongée dedans vraiment dès toute petite. Parce que ma mère était chanteuse lyrique. Maman était là, c'était sa profession. Oui. Et donc, elle m'emmenait un petit peu partout avec elle, à ses répétitions, à ses concerts, dans les opérettes, parce qu'elle faisait plus des opérettes que des opéras. Et puis voilà, donc ça m'a donné envie, ça m'a donné le goût de la musique. Oui. Sauf que moi, je ne me suis pas dirigée vers le chant lyrique, je me suis dirigée vers la chanson française, parce que c'est ça qui me plaisait. Oui, alors on a eu un artiste juste avant, Joshua Laurence, on en parlait. La variété, la chanson française, moi je lis toujours, hein, rien de tel que Molière laissant Shakespeare de l'autre côté de la Manche. C'est plus facilement compréhensible pour nous, ça nous arrange. Et alors justement, tu as sorti ton premier album en 2008, je crois, et ça devait être Envie de vivre. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. C'est ça, c'était en 2008, effectivement, tout premier album. Oh, j'en parle pas très souvent parce que, on va dire que c'était l'album du débutant. Oui, voilà, c'est, on apprend. On n'avait pas encore pris de cours de chant à l'époque. Oui. Et donc, entre-temps, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir faire maintenant un vrai bel album. Donc, je dirais que le vrai premier album, c'est celui de maintenant. D'accord. Et donc, depuis, tu as accompagné plusieurs personnes en tant que professeur de chant, tu as pris des cours? J'ai pris des cours, oui. Alors, mon premier professeur de chant, c'était Marco Beacco. On l'a un petit peu connu parce que c'était l'un des coachs de la Star Academy 3. Voilà, le coach vocal de la Star Academy 3, exactement. Et puis, j'ai vu par-ci, par-là, que tu avais pris aussi quelques cours avec Flora Simone. Oui, j'ai pris des cours avec Flora Simone. Voilà. Alors, Flora Simone, c'est rigolo, on l'a reçue ici même dans les studios. Elle est venue le 8 avril avec nous en enregistrement public. Donc, ça m'a fait plaisir de voir, tiens, des chanteuses aussi qui donnaient des cours, je ne savais pas. Et puis, depuis, eh bien, donc, tu as grandi, tu as pris goût à la chanson, tu as voulu composer. Et donc, on en est arrivé aux morceaux qui sont actuellement. C'est le dernier album qu'on écoute là. Tout à fait. Il vient de sortir. Il est sorti le 5 mars. D'accord. Donc c'est vraiment tout récent. Et il y a combien de morceaux alors sur cet album? Il y a 15 titres. D'accord. Oui, 15 titres, on a bien travaillé. Voilà. Oui, 15 titres, donc tout des compositions originales. D'accord. De la chanson, moi c'est de la chanson française, moi. Voilà, oui, il y a Aimé Donne, le titre qu'on vient d'entendre. Il y a beaucoup de titres dans ce style. Ouais. Alors, il faudrait que tu nous l'envoies. On a que trois morceaux, nous. On va écouter justement pour voir un petit peu la couleur de l'album. Merci d'être là. C'est un morceau que tu as composé? Non, c'est pas moi qui l'ai composé. C'est Eric Miller qui a fait la musique. D'accord. Et toi, il a composé la musique, les arrangements. Et en ce qui concerne les paroles, c'est Aliénor Queen. D'accord. Parce que je ne fais pas que mes propres chansons. Eh bien, on écoute donc Merci d'être là sur Arc-en-Ciel. Combien de bosses imprévues, de silex sous nos pieds nus, de pas dans l'Himalaya, des imaginaires cinéma. Fini le noir, fini la nuit, je bronze quand tu souris. Pourquoi nos rêves d'enfant prennent-ils des bateaux blancs vers un ciel de Pissarro ou les grands bleus de Picasso? Tu es mon souffle, ma seconde chance. Tu es mon septième sens. Merci d'être là. Merci pour la hauteur du voyage. Merci d'être là. Pour les rêves et les rires et les rages. Le passé, le présent, le passage. Oh merci d'être là. Oui, j'aime ton ciel bas d'Irlande. Reste mon guide venu pied et mon dernier premier baiser. Sois tout le long de nos murs de doute, mon étoile et ma route. Merci d'être là. Merci pour la hauteur du voyage. Merci d'être là. Pour les rêves et les rires et les rages. Le passé, le présent, le passage. Oh merci d'être là. Merci d'être là. Merci pour la hauteur du voyage. Merci là. Pour les rêves et les rires et les rages. Le passé, le présent, le passage. Oh merci d'être là et d'être toi. Je dis merci d'être là et d'être toi. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et bien voilà, on vient d'écouter Merci d'être là. Donc avec notre chanteuse qu'on a avec nous au téléphone, Ophélie, et merci d'être là. Alors c'est pour un remerciement quand tu es en concert, pour remercier le public d'être venu, non? C'est tout à fait, oui, voilà. Oui, absolument, oui. C'est la chanson qui finit là le concert. Exactement. D'accord. Oui, parce qu'il y a souvent des petites musiques qu'on peut te redemander. Alors, tu fais de la reprise aussi sur scène ou que de la composition? Que de la composition. C'est vrai qu'il n'y a pas de reprise de prévu. D'accord. Cependant, on m'en demande un petit peu. Donc, oui. Je pense que ça va peut-être changer. Je vais peut-être en ajouter. Je vais même sûrement ajouter deux ou trois reprises en plus de mes compositions sur scène, oui. D'accord. Et alors, ça serait quel style de reprise? Ah, ce serait... Il y aurait sûrement du France Gall, du Michel Jonas, peut-être du Francis Cabrel aussi. D'accord. Peut-être Goldman aussi, on va voir. D'accord. Et alors, donc, l'album en ce moment qui est en train de tourner, où est-ce qu'on peut te retrouver? Il y a des petites dates de concerts par chez toi, en France? Alors, il y avait deux dates de prévues, le 23 et le 24, mais malheureusement, il y a toujours des imprévus. Oui. Donc, ces dates-là, elles vont être reportées. Je n'ai pas encore les nouvelles dates. D'accord. Et autrement, il y en a qui sont en train de se mettre en place pour le mois de mai. Mais c'est encore trop tôt pour que je donne exactement les dates, parce que c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. De toute façon, oui. On peut retrouver tout sur ta page Facebook, sur ton site, les dates? Oui, absolument. Chaque fois que j'ai une nouveauté, je la mets sur la page Facebook. Oui. Et puis sur mon site aussi, oui, absolument, oui. Alors, mon site, c'est www.ophéliemorival.com. Et donc là, on retrouve l'actualité, on retrouve la possibilité d'acheter aussi l'album ou les autres. Est-ce oui. que le premier est toujours en vente, non? Oui, oui. Le tout premier, non, il n'est plus en vente. Mais celui qui vient de sortir, le 5 mars, oui, lui, il est disponible. Alors, l'album physique est disponible sur mon site. Il y a une petite boutique. On peut le commander en ligne ou bien par voie postale. Il y a les deux possibilités. Enfin, tout est expliqué sur la page de ma boutique, sur mon site. Et puis autrement, on peut également se procurer l'album sur toutes les plateformes de téléchargement légal, ouais, comme iTunes, Amazon MP3, Google Play, etc. D'accord. Alors, on n'a pas dit, par contre, sur scène, tu es toute seule, tu es sur bande son, tu as des musiciens, comment est-ce que tu t'accompagnes ? Alors, j'ai la chance d'avoir 3 musiciens. Oh, oui, une belle chance. Au piano, je suis accompagnée par Frédéric Bourgeois. Frédéric Bourgeois, c'est le pianiste du groupe Trian. Oui, Fred Bourgeois. Oui, ce que je suis en train de dire, moi je connais Fred Bourgeois le prénom, mais Frédéric Bourgeois, je ne connais pas, mais forcément, moi qui suis un amateur du groupe Trian, Fred Bourgeois, bah oui, quel pianiste. Hein. Voilà, ah oui, Fred, oui, en fait, il s'appelle Frédéric, mais c'est ça, c'est lui. Donc c'est lui qui m'accompagne au piano. Ensuite, j'ai comme batteur, c'est Franck Giraudot. Alors Franck, lui, il est responsable du Festival des Cygnes. C'est un festival de jazz à La Boule. D'accord. Donc tous les ans, donc voilà. Alors, il fait d'autres choses, mais enfin, je pense que c'est ce qui est le plus connu dans ce qu'il fait en batterie. Et puis, au niveau de la basse, Mickaël Deluc. Alors Mickaël Deluc, il est un petit peu moins connu que les deux autres, mais il a accompagné plusieurs groupes de pop rock. D'accord. Ouais, c'est également un très bon bassiste de studio. Et alors donc, toi, tu joues aussi d'un instrument, la guitare ? Oui, je joue de la guitare. Mais alors par contre, là, pas sur les nouvelles chansons. D'accord, pas sur les nouvelles chansons. Pour le premier, c'est vrai, c'était plus pour les chansons du premier album. Là, pour les nouvelles chansons, non, je m'accompagne pas. Je préfère me concentrer sur le chant. Sur le chant, d'accord. Mais ouais. Quand vous composez une chanson, par exemple, tu leur donnes une petite envie à la guitare, ça part comment pour la préparation d'un morceau ? Je leur donne. Non, je fais pas avec les musiciens ça. D'accord. Souvent, moi, je commence par chercher les paroles. J'écris beaucoup tous les jours. Au bout d'un moment, ça finit par donner un texte. Et une fois que j'ai le texte, je cherche moi-même la mélodie. Et puis, une fois que j'ai trouvé une mélodie qui me plaît, je l'envoie donc à Eric Miller. Excellent arrangeur, oui. Pour qu'il finalise la chanson. D'accord. Et parfois, il arrive que je ne trouve pas la musique. En ces cas-là, SOS Eric, je lui envoie tout de suite le texte et je lui demande s'il veut bien me trouver la musique et il trouve toujours exactement ce qu'il faut. Il trouve ce qu'il faut. Et puis, il fait les arrangements. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des petits clips qui accompagnent les musiques aussi ? Pour le moment, ce sont plutôt des montages que je fais moi-même, mais il y a un projet de faire au moins un ou deux clips sur deux chansons. Sur des chansons, d'accord. Et alors, y a-t-il une chanson phare ? Quand tu vas en concert, que le public te connaît, qu'il te suive, est-ce qu'il y a une chanson, quoi qu'il arrive, il faut absolument la faire parce qu'on te la demande en permanence ? Oui, on a en particulier deux. Il y a « Ce n'est pas vrai ». Et puis, il y en a une qui revient toujours, c'est « Que je me souvienne ». D'accord. Oui. Ça, c'est des chansons que, quoi qu'il arrive, le public, même si tu la mettais pas à ton tour de chant, le public te la réclame, quoi qu'il arrive. Ah oui, ça, là, ce sont... Oui. Ah oui. Ah oui, oui. Et bien, moi, ce que je te propose, écoutons justement tout de suite « Je me souviens », alors. « Que je me souviens », oui. Je me souvienne, le morceau d'Ophélie Morival, les paroles de Sandrine Aubertin, musique et arrangement Eric Miller, et donc eh bien, la voix douce, chaleureuse qu'on a au téléphone avec nous, qu'on a récupéré, Ophélie Morival. On répète, son site c'est opheliemorival.com pour la retrouver, pour retrouver l'album qui est toujours en vente sur le site. Et alors, la future couleur, puisque là c'est l'album qui est en ce moment, Ophélie, quelle sera la couleur de l'album par la suite? Il y a des petites idées, il y a déjà des petites tendances qui ont été faites pour la suite? Oui, tout à fait. On a déjà commencé à travailler sur d'autres chansons. D'ailleurs, il y en aura sur scène. Sur scène, on retrouvera les. Oui, sur scène, on retrouve les chansons de cet album. Et en plus, d'autres chansons que nous sommes en train de préparer. Et donc, ce sera dans la continuité de celui-là, en fait. D'accord. C'est une histoire qui a commencé sur ce premier album et qui se poursuivra par le suivant, alors. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, oui. Dans les textes, dans la musique, tout est une continuité. En fait, le dernier morceau de l'album va annoncer la couleur du prochain qui arrivera. Voilà, alors, ouais. Bien, disons, je pense que celle qui annonce le plus la couleur du prochain, c'est Dans mes veines, Donne-moi du temps, et Ça en vaut la peine. Parce que là, ce sont les trois dernières. D'accord. De l'album que nous avons composé et mis en place. Et donc logiquement, le prochain, il sera dans cette continuité-là. D'accord, il va falloir que tu nous l'envoies l'album, alors qu'on puisse se mettre en diffusion sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Donc le dernier album. Alors les prochaines dates de concert, donc on va le rappeler, c'est sur ton site internet qu'il faut les retrouver. C'est des dates exclusivement avec tes musiciens en général ou toujours, quoi qu'il arrive, vous êtes toujours 4 sur scène alors? Non, pas quoi qu'il arrive. Alors, l'idéal, effectivement, c'est d'être en formation complète, donc piano, basse, batterie, et puis moi au chant. Mais parfois, la configuration fait que c'est juste un piano-voix. Donc, à un moment, voilà, c'est en fonction des salles. Oui, et puis ça doit donner certainement quelque chose de différent et beaucoup plus intime, piano-voix, alors. Oui, c'est plus intimiste, mais c'est vraiment très très bien aussi. Ça, c'est autre chose, mais franchement, tous ceux qui ont écouté la version piano-voix trouvent que ça rend vraiment très très bien. D'accord, donc Pensée sauvage sur scène. Le set dure à peu près combien? Les 15 morceaux, tu y as quelques rajouts aussi? Une petite heure, deux heures? Alors, c'est plus que 15 morceaux. Hein. Sur l'album, il y a 15 morceaux, et donc il y a les morceaux en plus dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc, le set dure environ 1h15, 1h30. D'accord. Alors j'ai vu que tu avais été aussi en interview avec un ami à nous, Sam Fox, il n'y a pas très longtemps. Oui. Ouais, oui, il t'a pas mangé, alors ça va. Non, il m'a pas mangé. Ça va, je suis entière, tout va bien. Ouais, ouais, non, c'est un bon copain, Sam. Oui, très très sympa, ça s'est très bien passé. Oui. Alors j'ai Nicolas, mon chroniqueur, qui a une petite question à te poser, Ophélie. Vas-y Nicolas. Oui, volontiers. Oui, bonjour, je viens de vous déranger. Donc, bonjour, voilà. Nicolas. Je veux savoir, comment vous avez fait, tout à l'heure on a écouté tout ça, comment vous avez dit que votre parent, votre maman donc chante tout ça. Mais comment ça vous a fait pour chanter comme un peu comme elle, en fin de compte, parce que vous n'êtes pas forcé à le faire. Comment vous avez fait pour vous lancer à la chanson? Ah non, elle m'a pas du tout forcée, oui, au contraire. Moi, quand j'étais petite, même tout le temps, j'ai pas arrêté de lui demander de m'apprendre le chant, et ça, c'est quelque chose qu'elle ne voulait pas faire elle-même. D'accord. Et je me suis lancée parce que j'ai toujours voulu faire ça. Dès toute petite, en fait. J'ai toujours, toujours, toujours voulu chanter. Même, je me souviens, j'importunais un peu les voisins. On était en appartement à Paris et je chantais tout le temps et ça tapait au plafond. Mais non, ça veut dire que vous avez la musique dans le sang, en fin de compte. Père, votre fille, on peut plus dormir. Voilà, c'était un peu ça. J'ai toujours voulu faire ça. C'est un rêve, hein, depuis toujours. J'ai toujours aimé ça. D'accord. Donc, il fallait que ça arrive un jour. Oui, ben, donc, tant mieux, en fin de compte, que vous avez pu avoir le rêve que vous avez voulu faire, alors. Comment? En fin de compte, vous avez eu le rêve que vous voulez faire, alors, en fin de compte. Ah, je l'ai eu, c'est voilà. Que le début. C'est que le début, ce n'est pas encore fait, en fait. Mais voilà, ça peut-être c'est en prend chemin. Se faire plaisir, et puis voilà, vivre de sa passion, et puis donner du plaisir, je pense, sur scène aussi, c'est quelque chose de merveilleux, d'arriver, de faire vivre les gens, et de les emmener dans un univers, parce que c'est aussi ça, le travail, on va dire, du chanteur, c'est d'imaginer des chansons, de les mettre sur papier, sur album, et qu'après, quand on est en concert, bah, de voir que le public accroche, nous suit dans l'imagination, et puis, bah, comme tu le dis, hein, la suite de l'album après, derrière, c'est que le public reviennent et puis qu'il accroche aussi à ce deuxième album parce qu'il a envie de connaître la fin de l'histoire. Et oui. Voilà. Eh bien, en tout cas, un grand, grand merci à toi, Ophélie. On le rappelle, donc, ton album, pour le retrouver, c'est donc sur ton site internet pour faire la commande. Pensée Sauvage, l'album 2018. Alors, le prochain, 2019, 2020 ? Oui, certainement, oui. Ouais, le temps de travailler tranquillement aussi. Oui, le temps de travailler tranquillement, et puis, bah oui, d'aller sur scène quand même. Voilà. C'est quand même très, très important. D'accord. C'est le plus important. Et un grand merci donc à Christophe hein, qui c'est moi qui vous remercie beaucoup. Voilà de m'avoir présenté. Et puis on se suit hein, quoi qu'il arrive. Et puis alors moi je dis pour finir merci d'être là alors. Et merci oui et c'est moi qui vous remercie vraiment. Un grand merci. Bon week-end à toi Ophélie et à très très bientôt. Bon week-end. Et OphélieMorival.com c'est le site internet. Combien de bosses imprévues. De silex sous nos pieds nus, de pas dans l'Himalaya, des imaginaires cinéma. Fini le noir, fini la nuit, je bronze quand tu souris. Pourquoi nos rêves d'enfants prennent-ils des bateaux blancs vers un ciel de Pissarro ou les grands bleus de Picasso? Tu es mon souffle, ma seconde chance, tu es mon septième sens. Merci d'être là, merci pour la hauteur du voyage. Merci d'être là pour les rêves et les rires et les rages. Le passé, le présent, le passage. Oh merci d'être là. Oui, j'aime ton ciel bas d'Irlande, Céléon. Reste mon guide va-nu-pied et mon dernier premier baiser. Sois tout le long de nos murs de doute mon étoile et ma route. Merci d'être là, merci pour la hauteur du voyage. Merci d'être là pour les rêves et les rires et les rages. Le passé, le présent, le passage. Oh merci d'être là. Merci d'être là. Merci pour la hauteur du voyage. Merci le présent, le passage. Oh merci d'être là et d'être toi. Je dis merci d'être là.